100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne juste après D-Fool. Il est là en face de moi. Ouais. En pleine forme. Il nous vient du 3-3. Exactement. Une belle ville. Ouais. Une belle région. T'aimes bien Bordeaux en plus? Moi j'adore. Ah, j'ai passé des soirées, tu sais, sur lesquelles. Ouais. Oh là là. Oh là là. Mais on va pas dire ça maintenant. Bienvenue à Sams qui est notre invité dans la nocturne 100% rap français. Comment ça va Sams? Moi ça va, ça va. Ça fait plaisir de te recevoir. Alors Sams, vous l'avez connu peut-être aussi avec Youssoupha. Vous l'avez connu avec différents morceaux. Et puis là, un album qui est dans les bacs depuis une semaine, hein. Ouais, exactement, il est sorti vendredi dernier. Bon, ça va, t'es bien? Ouais, non, je suis bien parce qu'il y a beaucoup de retours positifs. Donc franchement, beaucoup de gens, énormément de gens ont apprécié l'album. Donc franchement, je suis content. Je te trouve très calme, Sams. Ça, c'est le début, hein. Ah, c'est pour ça, ouais. On est diesel. Là, généralement, le vendredi soir. Ouais, il se passe quoi le vendredi soir quand il n'y a pas de concert, quand il n'y a pas de showcase, quand il n'y a pas. Quand il n'y a pas de studio, mais il y a la studio. Donc ça va arriver tranquillement. Au calme. Et puis on va découvrir, donc on peut le télécharger tout de suite si on aime bien Sams par exemple, parce que là on va passer trois morceaux d'affilée. Donc si on aime bien, on peut tout de suite aller cliquer Sams, on peut le récupérer. De quoi, l'album? Bah, on parle de ton album. Mais bien sûr. Mais tu me dis télécharger, pas légalement, non, j'espère. Légalement. Ça, tu me fais peur. Non, je dis si jamais, voilà, on kiffe. Là, j'ai passé trois morceaux. Si jamais on kiffe, on peut tout de suite cliquer, on peut le trouver tout de suite. Ah hein. Oui, on peut trouver tout de suite. Tout de suite. Tu tapes Sams, Dieu est grand. Tu vas choper ça sur iTunes. Il est sur toutes les plateformes. Si tu vas aller chercher à la Fnac, il est à la Fnac, il est partout. Ça s'appelle Dieu est grand. Mm-hmm. On va pouvoir découvrir ça pendant, allez, un peu plus d'une heure. On y va tranquille. Hein, c'est vendredi soir, tu connais. Bah ouais, on est au calme. En plus, c'est les vacances. Il y a plein de gens qui vont veiller tard ce soir. Donc n'hésitez pas. On va vous big up si vous allez geste avec nous, veiller avec nous. Ah, on va gester un peu. Bah toujours du geste. Non, ça sert à rien. La carte de gesteur, je l'ai toujours dans la poche. Donc tu tout va toujours. Bien. J'ai toujours. Tu es gesteur en chef. Toi, t'es devenu c'est l'ambassadeur du geste. Eh bien, gestons ce soir avec Sams. Envoyez les messages avec le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne pour Sams. Vous balancez plein de messages ou alors par SMS 41759. On débute avec Microbe. Ouais, Microbe. Ça, c'est un morceau. Parce que, attends, non, juste disons quand même un mot sur l'album. L'album, c'est vrai quand même. Parce que là, on déconne, mais c'est quand même un truc assez profond. Je trouve qu'il y a. Voilà, ouais. C'est quand même assez introspectif aussi sur toi, ouais, sur ta vie. Il y a beaucoup d'introspection, mais en fait j'ai voulu le faire comme un film. Mais en fait je me disais en tant que premier album, parce que comme tu le disais, on m'a vu sur plusieurs, on m'a vu avec Youssoupha sur plusieurs morceaux, etc. Mais moi je tenais pour un premier album que les gens qui me connaissent et qui me connaissent pas savent d'où ça part, qui est Sam, d'où vient Sam et à quoi Sam s'inspire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de morceaux d'introspection. Oui, il y a du vécu. Il y a, exactement, voilà. Beaucoup de vécu, ouais. Et ben on va découvrir tout ça ce soir pendant un peu plus d'une heure avec Sams. Coup d'envoi Microbe. C'est parti. 100% rap français. Planète rap. La Nocturne. Sams au contrôle de La Nocturne. Yamma. Sur son big cross, Yama. Ce qu'on veut, c'est devenir big boss. Yama. Petit microbe sur son big cross. Si j'ai le caché dans le Lévi-Strauss, à fond dans le SNES, vise la tête. Ce qu'on veut, c'est devenir les big boss. Ce qu'on veut, c'est faire des lovés. Les bécanons, ils sont levés. Y'a personne pour nous élever. Faut que ta morale, le grand frère s'est fait lever. Bonnet Gucci, sac élevé, équipe de cassos. Tous mes assos sont énervés. Ramène le matos, la balance, le lactose. La repu, on la dose. Planque tout la nourrice, c'est Hervé. Planque tout la nourrice, c'est Hervé. Tu veux Haja, frère, tu sonnes chez Hervé. Mais tu connais la street, pied de biche. Un matin, on est venu casser chez Hervé. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles, nous. La vie, l'école, les cœurs, l'avenir. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles, nous. Non, nous on s'en bat les couilles, nous. On deal, on bise, on fume, on tire, l'avenir, on s'en bat les couilles, nous. C'est un peu con, mais qu'est-ce que tu peux y faire? Le bif dans ma génération prolifère. À peine les dents de Léon sans l'écran, on va trop vite, ayam la vie dans le morceau petit frère. On est à fond dans la rodka. La vie d'Aloca, ça baisse en vodka. Pas besoin d'amour, mais d'un avocat. Jeffrey, ramène des glaçons pour la vodka. Ouais, je sais quoi, les bails, go, mon gava. À 19, je fais le kilo, mon gava. Mais la moitié le rage avance mon gava. En ce moment je pèse Tony Montana. J'fais mon bif avant que les flics s'en mêlent. Sous le clic-clac, les leçons de mille m'amènent. Pas de mic-mac, vive l'argent du deal m'amène. Celui qui me clash, ma parole, je nique sa mère. Yama. On s'en bat les couilles, nous. La vie, l'école, les keufs, l'avenir. On s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles, nous. Non, nous on s'en bat les couilles, nous. On deal, on bise, on fume, on tire, l'avenir. On s'en bat les couilles, nous. Petit microbe sur son bicross. Si j'ai caché dans le Levi-Strauss. À fond dans le stress, vive la tête. Ce qu'on veut, c'est devenir les big boss. Petit microbe sur son bicross. Petit microbe sur son bicross. À fond dans le stress, vive la tête. Ce qu'on veut, c'est devenir les big boss. Posé au crime, ta cricket sur un banc. Un grand de chez moi m'a rencardé sur un plan. J'ai de quoi me refaire. Faut que le commissaire il sorte ma planque. Démarre un bis de chaque en blanc. Pourrait quelqu'un en te mesure au rendement. Comme ça que ça se passe, je vais pas te faire de roman. Dans le faux, je sais, changer, j'essaie. Je suis juste un produit de mon environnement. Quel plan l'avenir me réserve. Quel plan l'avenir me réserve. La vie c'est pas la play, y'a pas de bouton reset. Jeune et ambitieux, que Dieu nous préserve. Si seulement je pouvais remonter le temps. Savoir à quel moment l'ange est devenu mutant. Pardonnez toutes mes fautes, je ne suis qu'un débutant. Au passage, je m'appelle Moussa, je n'ai que 18 ans. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, non. La vie, l'école, les keufs, l'avenir. On s'en bat les couilles, non. Petit microbe sur son bicross. Si j'ai caché dans le Levi-Strauss. À fond dans le SNES, vive la tête. Ce qu'on veut, c'est devenir les big boss. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Yama. Sams au contrôle de la nocturne. Après Fajr, papa s'habille et s'en va soulever des parpaings. Sur le chemin de l'arrêt de bus, croise le regard des derniers tapins. Moi je suis encore dans les vapes, je viens à peine de me coucher. Le peu de lucidité me permet d'entendre maman se doucher. Fin d'éviter ses sarcasmes. Dans mes rêves je prends la fuite, le cerveau encore atrophié. Hier soir j'ai pris une cuite, je dors encore habillé. Le pantalon tout remeuf, dans les poches les restes la veille. Une capote et quelques meufs, bien loin l'idée de me prendre en main. Gaspiller ma sueur au boulot, la vie du papier cul. J'suis déjà au bout du rouleau, j'consume ma vie par goulot. Maman derrière les fourneaux, devenir esclave de la France. Un mot à l'heure, tire va fan coulo. Faut que j'me reprenne chanticap. Les gars, pas tous ceux qui lèvent des messages. Tu rien à foutre sa life, c'est le bordel que Dieu me pardonne. Je vesti au mic, t'inquiète. H24, mon frère, ça charbonne. C'est que lancer alcool et drogue, mon frère, que Dieu nous pardonne. Frère, que Dieu me pardonne. Frère, que Dieu me pardonne. Frère, que Dieu me pardonne. Nadera Salomé. Ouais, mon frère, que Dieu me pardonne. C'est que lancer alcool et drogue, mon frère, que Dieu nous parle. Par le vice hypnotisé, à croire qu'on ne peut rien y faire. Le béton comme seul horizon, le business prolifère. Mentalité maléfique, pour nous l'ambiance est magnifique. Le savoir est une arme, on préfère celle que magnifique. Alors on squatte ce putain de bar, graffito, bigrave et poker. Ayant Cliff ou Losas, venant de la capitale. Joker. J'ai reçu de la frappe, je suis le king de ma street. À 18 le kilogramme, tu sais le quartier c'est Wall Street. Donc forcément je fais des sangles. De eux je prends mes distances, ils parlent sur moi, je parle sur eux. C'est les joies de la médisance, à la base amis d'enfance. Je prépare ma guerre de mon côté, qu'ils restent bien sur leur garde. Un jour ou l'autre je viendrai les sauter. Faut que je me reprenne chance du cap, H24 le cap me racole. Plus rien à foutre sa life, c'est le bordel que Dieu me pardonne. Je pense qu'à faire du cash, H24 mon frère ça charbonne. C'est que lancer alcool et drogue, mon frère que Dieu nous pardonne. Frère que Dieu me pardonne. Frère que Dieu me pardonne. Frère que Dieu me pardonne. Frère que Dieu me pardonne. Ouais mon frère que Dieu me pardonne. Big up à Snoop. C'est que lancer alcool et drogue. Gros big up à les gesteurs de la Guyane. C'est du soleil du haut d'une fenêtre. J'entends les dents. Islam comme seule lumière de nos vies. Jap fait tout pour qu'on l'éteigne. Une éternelle remise en question. Pourquoi est-ce que tout foire? Pourquoi cette existence merdique? Le prix à payer des couffards. Pour rassurer, je me dis que je vais changer. Dieu est miséricorde. Je ne fais que mentir en fait. Ma bonne foi s'est pendue avec une corde. Alors je continue à m'enfoncer dans ma connerie. Soirée volée des poches, j'enfile la vie d'allocatoni. Ma petite sky posée en boîte, cogite avec ce que j'ai dans le caleçon. Moyen de communication, si tu veux de la fornication. Je la raccompagne chez elle, pour pas qu'elle se sente trop seule. Je me dis pas qu'à sa place, ça pourrait être ma propre sœur. J'ai l'impression que je quitte, mais dans mon cœur j'ai le mort. Sans scrupule je la quitte, trop bizarre, aucun remords. Trop attaché à ma petite routine à traîner jusqu'à pas d'heure. Je rentre chez moi foncé, je me couche, papa se lève pour Fajr. Faut que je me reprenne chance du cap, H24 le cap me racole. Plus rien à foutre sa life, c'est le bordel que Dieu me pardonne. Je pense qu'à faire du cash, H24 mon frère ça charbonne. C'est que lancer alcool et drogue, mon frère que Dieu nous pardonne. Frère que Dieu me pardonne. Frère que Dieu nous pardonne. Frère que Dieu me pardonne. Frère que Dieu nous pardonne. Ouais mon frère. frère, que Dieu me pardonne. C'est que l'on s'est accolé, croque mon frère, que Dieu nous pardonne. Starfalla. Planète Rap, 100% rap français. Continuez à envoyer des messages, c'est Sam sur la Nocturne avec le gesteur Monsieur Fred et à moi. Je suis pas d'humeur à faire la fête, soir. Les gens tentent la joie, tentent la gifle. C'est ce qu'on appelle l'espoir. À part la zic, les potes, la mif, il me reste quoi? Un esprit fort, aussi un cœur, du moins je laisse croire. Toujours son sang les poèmes, un ex-enfant un problème. Le frère devant le prod, dans la rue je veux sauver ma peau même. Amertume dans la prose, en retard sur l'album. Tous les jours ça se lève du pied gauche, mais c'est parce que le haro même. Dans flou depuis mes 13 ans, fouille à rien de plaisant. Ça vise pas de ta fille, puis mourir ça n'a aucun sens. Yama, ils se mettent tous le nombril dans le rap français. Moi je vais éveiller ce game, une bouteille plein de sensé. Aucun de ma vie naître, l'élève descend du maître. L'homme descendit du singe, l'hypocrite descend du traître. On remet les gants, fini d'être tige, hein. Y'a pas que les anges qui ont des ailes, y'a aussi les pigeons. J'aime même plus ce que je fais, un flow, une conscience, une plume, mec, c'est tout ce que j'ai. J'aimerais toucher le gros lot, mais j'ai pas le bon ticket. Faudrait me barrer, mais c'est trop compliqué. Trop compliqué, compliqué. Tous frères, je me sens pas chez moi. Juste un tracé, pourtant je vois pas le schéma. Rap français, je me sens chinois. Éternel incompris. Je te l'ai dit, pas le cœur à faire la fête. Pas le temps pour faire la fête. Posticher dans un hall, tu sens à boire, ça fait l'affaire. Au lieu de chanter de la merde, retourne affiner tes textes. Ils veulent pas le dire avec tes tristes. On a traumatisé des têtes, niggas. Trop de coups de pute, faut que le game c'est coutume. On citera pas les blazes, on n'a pas besoin de coups de pub. Tu bluffes le public, à nous on la fait pas. L'amour ça s'achète pas, ma bite. C'est comme les vies sur YouTube. Forcés pour blinder, leur jalousie porte plainte. Les déterminés portent flingler. Langue de pute font tringler. Pour mailler musique. Ça score en indé. Puis si ça marche pas, nique sa mère, je me fais pucer 100 grammes de MD. Ce pays nous leurre les mêmes promesses que quand j'étais gamin. Dur à croire comme un manchot qui a le cœur sur la main. J'ai voulu le dire, j'ai voulu le crier. Je préfère faire la fête, t'as compris. Je préférais me faire oublier. J'ai même plus ce que je fais. Un flow, une conscience, une plume, mec, c'est tout ce que j'ai. J'aimerais toucher le gros lot, mais j'ai pas le bon ticket. J'ai une barème, c'est trop compliqué. Trop compliqué, compliqué. Tous frères, tous. Qu'est-ce qui se passe? C'est le geste. Ah oui, ça a gesté sévère en fait. La Nocturne avec Monsieur Sams. Donc ça c'est un morceau qu'on retrouve hein, sur le projet hein. Exactement, ouais. C'est le morceau bonus de l'album. C'est extrait de ton projet qui est dans les bacs depuis une semaine, ouais. Sams, où on découvre justement une autre facette de Sams. Parce que c'est vrai que chaque fois que t'es venu dans l'émission, bah oui, c'est toujours détendu, mais là c'est un peu plus mélancolique, il y a un peu plus de... Non, bah il y a plusieurs passages de la vie, parce que t'as vu, c'est comme si tu vois une personne, tu la vois pas tout le temps, tu vas la voir que sur certaines facettes. Et là c'était pour montrer justement toutes les facettes de Sams, qui est Sams, d'où vient Sams, de quoi part Sams, etc, etc. Alors tu pars d'où toi? Tu pars de Bordeaux? Je pars de Bordeaux, ouais. Et après, il se passe plein de choses. Et si tu veux les découvrir, il faut que tu écoutes l'album. Mais il se passe quoi? Alors attends, on va revenir quand même. Qu'est-ce qui t'a motivé à rapper? Est-ce qu'il y a eu une envie, un morceau en particulier ou pas? Non, ce qui me motivait à rapper, en fait, c'était. C'était ce que j'écoutais de mon grand frère, des sœurs, des mecs de des grands de mon quartier. Et donc, du coup, ça m'a toujours donné envie de faire du rap. Puis après, j'avais un cousin aussi qui faisait beaucoup d'impro, etc., à qui je passe le big up, Papis. Et du coup, il m'a donné envie de rapper et je me suis mis lancé dessus. Hein. Alors, il y a eu différentes sorties aussi, il y a eu différents projets qui sont sortis. Ouais, il y a eu plein de projets. Là-bas, j'avais fait un street album. Après, j'avais sorti une mixtape, Go Fast Mixtape, avec DJ Stretch, à qui je big up aussi. Après, j'avais sorti des EP sur iTunes. J'avais sorti Geslude, après Geslude 2. Après, j'ai sorti le PQDNP. Et après, il y a eu la mixtape, là, cet été, Je suis petit. Et puis, une carrière de comédien aussi, Sam. Parce que c'est très modeste, mais c'est vrai que tu joues, t'as joué dans des films. Ouais, dans des films. Là, mais l'an dernier, j'étais au Festival de Cannes, j'avais fait tourner un film avec... Le mec a monté quand même les marches. Ah ouais, j'ai tourné un film avec Reda Kateb et Adèle Exarchopoulos. J'ai tourné un film avec Poulvord aussi, Les Rieurs du Zèbre. J'ai tourné dans Code 45 avec Joystar. Ouais. Un téléfilm sur France 2 aussi, Les Beaux Mecs. Puis il y avait aussi la saga En Attendant Demain qu'on avait fait sur Canal+. Donc... Et alors tu continues un peu le cinéma ou ça s'est un peu calmé? Non, je continue là sur d'autres projets. Là, je suis sur le projet de film. Là, bon, je peux pas encore en parler maintenant parce que rien n'est concrétisé. Je suis sur l'écriture aussi d'une fiction. Donc, je suis sur énormément de choses. Bah, c'est bien. En tout cas, voilà, ça se bouge. Et puis, t'es aussi une preuve que voilà, il faut pas non plus attendre que ça arrive. Ben, et qu'il faut provoquer. Et peu importe d'où on vient, parce que souvent on dit oui, mais quand vous êtes à Paris, c'est plus simple et tout. Mais garde la preuve, toi, t'es à Bordeaux et tu t'es démerdé, non? Après, ouais, on va dire que le chemin, il est peut-être plus long, mais après, le mérite, il est plus grand, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est que. Et ouais, forcément, tu peux pas rester là, attendre que les choses viennent à toi. Si elles viennent pas à toi, faut faire ce qu'il y a à faire. Donc, du coup, puis comme je suis de mentalité à être hyperactif, à faire plein de choses. C'était ce qui allait qui se collait le mieux à mes perspectives de vie, on va dire. Sam, c'est avec nous dans la nocturne. Il y a pris le contrôle. Alors, ce que je te propose, parce qu'il y a un petit souci de connexion. Dis-moi. On va mettre le morceau avec Youssoupha et Esprit Noir Spectre. Okay. Et après, on repartira sur une autre session aussi d'autres morceaux. Un petit mot sur celui-ci avec Youssoupha et Esprit. Ouais, c'est un morceau qui était sur le projet, enfin le EP QDMP que j'avais mis sur, qu'on a balancé sur iTunes. Et voilà, c'est un morceau où Youssoupha au refrain et Esprit Noir envoie ça comme il se doit. À déguster. Dans la nocturne, Sam's au contrôle. Un gros big up à Esprit Noir. Continue à envoyer des messages, ça fait plaisir. Esteban, Jojo du 56. Yama. Dieu est grand dans les bacs. Comme un spectre. Il n'y a que les braves et les battes. On les bâche et les battes. On les place que mes gars respectent. Comme un spectre. Il n'y a que les braves et les battes, on les bâche et les battes, on les place que mes gars respectent. Là tu te demandes, je suis dans quel mode? Dans mon abdomen, y'a quel monde? Là c'est de vivre dans un tel monde. J'aurais voulu être le dealer à Kate Moss. Ça pique et ça vole comme la veille. Chaque jour, ça refait les comptes de la veille. Les Lost Boys éternuent la cote de la veille. On a plus le temps d'arracher la poche de la vieille. Je me sens douillé dans mon propre ego. La France nous laisse que son maigre. Ma communauté est faible, donne du pouvoir à un nègre, il va faroter devant ses autres nègres. On se dit du bled, mais on est né ici. Sans repère, entouré de traite, mais on s'y plaît ici. Tous clarifiés, on dit gentil, n'a qu'un œil, dit secret à ton ami, un ami aussi. Seul espoir de ma ville, j'bosse, stream rose, les couches sur le ring comme au kick boss, ma team grosse, écurie dans le game, pas de petits gosses. Suspite à pas kicker un 16 sur du beatbox. Rap tous pareil dans leurs clips, les mêmes putes, les mêmes sapes, mais en fait n'ont pas d'amigos. Facile de péra comme ça, mais la street a crié que ta pompe est flow amigos. Attends. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Une instru à la Rick Cross, t'as les big boss, t'as la street, mais ça retourne le fit comme Chris Cross. La vie une pute, elle a mille gloss, tu fais mille gosses, la mort qui nous sépare une chicha pour ma nuit de noces. Je me passe les couilles si un jour tout me sourit. Le bonheur s'est camouflé dans un trou de souris. Non pas pourquoi on fait nuit blanche, à 6h du matin sans passe par la fenêtre, y'a du matin. Très entre les blocs, disque comme un spectre. Là où crève les bâtons. Newman, t'inquiète. Il n'y a que les braves et les pattes, on les bâche et les pattes, on les place que mes gars respectent. Traîne entre les blocs, discret comme un spectre. Là où crève les bad boys, les teurs inspectent. Il n'y a que les braves et les battes. On les bâche et les battes, on les place que mes gars respectent. Le monde ne suffit pas, alors on se débrouille, on parle mal. Un enfant sur deux part mal, un homme se fait tuer par balle. C'est pas pareil sans la peau blanche et diplôme. Du coup dehors les petits chômes, les clips prennent même les petites choses. L'alcool se boit et les fafrons la cirrhose. Les médias causent la psycho, cette ville n'est pas si rose. Les années passent, maintenant on paye des loyers. C'est là qu'on piche nos mères, nous mettait royal. Je verrai l'amitié pour des billets se noyer. Je verrai mon pote devenir déloyal. J'ai vu la vie rendre mauvais cousins, même les plus mignons. Que penses-tu, Sam, dans un monde dirigé par les millions, érigé par l'incompétence des politiciens. Ça fait plaisir de voir un frère qui part en tôle et qui tient. Mais je veux pas d'un frère en tôle, non, je veux que mes gars va grossisse. Avec le souci du détail et l'ambition du grossiste. Mais pas à l'abri de finir un jour en prothèse. Que Dieu nous garde, Inch'Allah, que Dieu nous protège. On plonge dans le vide, mais la chute est tellement longue. T'inquiète, papy, on est ensemble. Merci Dieu d'avoir encore ton sang. Tu es grand dans les bacs. Florac Drave, mon. Traîne entre les blocs, discret comme un spectre. Là où crèvent les bad boys, les teurs inspectent. Il n'y a que les braves et les battes. On les bâche et les battes. On les place que mes gars respectent. Un gros big up à Sinox. Discret comme un spectre. Là où crèvent les bad boys. Ces interviews du geste. Il n'y a que les braves et les battes. On les bâche et les battes. On les place que mes gars respectent. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Continue d'envoyer des messages. Boma et musique. Boma et musique, prend le contrôle de la nocturne, c'est Mr. Sams. Dieu est grand dans les bacs. Allez chercher la famille, envoyer des messages, ça fait plaisir. Yeah, le flow aiguisé à la Kill Bill. Laisse nous faire, auparavant j'étais une victime. J'ai même souffert un blé d'arbre. Gros big up à Mr. Youssoufa. La bouche bête de toutes mes négritude dans les bacs. Ouverte, la concurrence me trouve mystique. Je baisse tout mène et ça dérange toute la critique. Les mecs nous craignent, j'ai braqué le son de Christine. Geste ou crève, j'ai demandé can I kick it? Yes you can, je suis en extase et j'apporte le nectar. Grims parolier, le canonnier n'est plus un esclave. C'est une nouvelle escale, je pars et les frères le savent. Le rap c'est fini, bientôt je me barre à la Bielsa. Rien que ça avant on me disait tu parais sale. Et maintenant y'a du négritude chez Marion Maréchal. Pas de Marie-Jeanne, pas de speakerine. J'ai posé mon 16 bar, je suis victime de la voix de Christine. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Cana, kick it, yes you can. Cana, kick it, yes you can. Cana, kick it, yes you can. Cana, kick it, yes you can. Cana, kick it, yes you can. Cana, kick it, yes you can. Cana, kick it, yes you can. Cana, kick it, yes you can. Nous sommes featuring Serchi au sampler, Christine en remix. Toute l'industrie prend peur. J'aimerais faire un hit et profiter de mes rentes. Je me ferais bien la boule à Z et aussi le boule à Amber. Traîne avec des grands blancs, des grands blancs, des grandeurs. Ici, pas de clichés, ma folie et sa grandeur. Dans le sud, dont ils ont zèle, nos galères prennent de l'ampleur. Studio sans la ZEP, la brigade est stupée en pleurs. Faites jumper les foules de Tokyo jusqu'au Malawi. Oui, un gros big up à la team Sams, pour Maillé. Je suis ma chicha avec Shaoui. Ce que l'avenir nous réserve, mec, on s'en bat les clas. Oui, ma beau Maillé, team Vince, le titre, y'a pas de ex. Lena Yousra, vous êtes des perles, la famille. C'est gros, trop de flow en nex, c'est dans charpin vert, c'est dans mes vers, c'est blesse le game. On lui pète ses dents, mon gars va. Malgré les mauvais jours, on geste, on rit, on se pavane. On partage les sourires et les fous rires, donc ça va. Clairage et jaloux qui commentent, mais au fond de même, ils savent qui commande. Tu commences, Yama. Par la fin, j'ai le menton au bout, rien. Gringo, je t'ai pas oublié. Money, money, money, bags. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Big up à BNF. Le 9-4 aussi. Vitry, Jangy Hood. La nocturne avec Sam, ça c'est mon son du week-end, je tiens pas debout. Ça c'est le truc du week-end en fait. Ah, c'est ça. Hein. Non, un petit mot quand même sur ce. C'est un remix qu'on peut trouver où en fait Sam, on peut le trouver sur SoundCloud en fait. On a fait un truc bon maillé, c'est les sons de SoundCloud. C'est un dimanche sur deux ou un dimanche par mois, on balance des inédits, des chutes de studio. Et là, c'est un délire qu'on s'est tapé avec Hughes. On avait pris le morceau de Christine and the Queen. And the Queen, et on a fait un remix qui s'appelle Christine and the Kings. Christine and the Kings. Le remix du geste. Avec Youssoupha évidemment, l'éternel compère. Exactement. Il passe ou pas Youssoupha, il est en tournée là? Non, il est en tournée, c'est pour ça que j'ai dû. Il a dû faire un pass sur la nocturne. Mais et pourtant, la dernière nocturne qu'on a fait avec lui. Elle était épique. Ah, c'était quelque chose. Ah, il s'est passé un truc. Il s'est passé vraiment quelque chose. Ah, c'était assez fou. Donc, on va continuer. Là, t'es bien. Attends, Sam, tout le monde est arrivé. Tu veux saluer un petit peu les gens qui sont avec toi aussi? Ben ouais, il y a mon gars, monsieur Jangy de Vitry. Un pirate comme on n'en fait jamais. Qu'on n'en fait vraiment jamais. Qui a sorti la chicha. Il a ramené la chicha, il m'a ramené la chronique, comme on dit. Il y a les gars de BNF. Qui vont checker sur YouTube, franchement, ils envoient du lourd et ils vont arriver. Ils ont les crocs et voilà, les gars sont là et à la chicha, c'est les petits vitriaux. Un grand big up au mec du 9-4. C'est Sams, et je vous rappelle quand même l'album. Allez vous pencher sur cet album Dieu est grand. Hein, Sams? Excuse-moi, je suis sur ma chicha, tu me disais. Si tu te fais chier, je me casse. Hein. Non, reste là. Non, je disais, non. Dieu est grand. C'est l'album qu'on peut trouver depuis une semaine. On peut le télécharger légalement, je précise. Voilà. D'ailleurs, on va repartir sur un morceau de l'album maintenant, non? Ouais, qui s'appelle Les 24 heures du banc. Un petit mot d'ailleurs sur celui-ci ou pas? Les 24 heures du banc, si tu veux, le mieux c'est d'écouter la musique, mais pour expliquer, t'as vu, il fait partie de la partie introspective de l'album, justement, où je parle justement de cette époque où t'es au quartier, tu galères et que le temps passe vite, mais en même temps il passe lentement. Et je l'ai fait d'une manière cinématographique, justement, pour vraiment qu'on s'immerge dans l'univers. Sam's avec nous, c'est lui qui a le contrôle de la nocturne ce soir. Également. Envoyez les messages 41759, le hashtag Skyrock, le hashtag Nocturne, ça arrive direct dans le studio. Tu es grand dans les bacs. Sur un banc, rien d'autre à faire. Rien d'autre. Sur un banc, rien d'autre à faire. Rien d'autre. Sur un banc, rien d'autre à faire. Sur un banc, rien d'autre à faire. Rien d'autre. Sur un banc, rien d'autre à faire. Rien d'autre. Sur un banc, rien d'autre à faire. Sur un banc. Il a marqué ma vie, m'a tiré vers le bas comme habité par un démon. J'ai passé trois quarts de mon temps attiré par un aimant. Tout ça la même enseigne, les coutures de la vie nous enseignent. On perd du temps ensemble, on rit, on pleure, on saigne. On tisse des liens avec des potes faits d'un or véritable. Imperméable à l'érosion, ça reste vérifiable. La jeunesse, un produit périssable. Hubert l'a dit, l'importance n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bouffe un grec, check un pote, cher un Yankee. Je réponds au tel, je regarde ma montre, cher un Yankee. Je regarde dans le ciel, je check un autre pote, cher un Yankee. Je regarde mon tel, je crache en sol, cher un Yankee. On meuble le reste avec des histoires de merde. Tire sur des joints, ça passe ton air sur le regard de nos mères. Yama. Conscient de nos conditions, les fonds trop souffrir. Font les 3-8 pour pas un sou, qu'à travail de survivre. Postiché sur ce putain de pain depuis 10h du mat. Dans ce quartier, je prends racine, semble les fleurs du mal. Je vois les petites sœurs du tchèque partir à l'école. J'y vais plus, j'ai lâché. Fuck les cours, je sèche, j'ai même plus qu'à lâcher. Je suis bien, assis sur mon trône. Dans le trou du cul du monde, parfois je me demande si je roi du monde ou roi des trous du cul. Mais bref, une bande de mômes, trop fier pour demander l'aumône. Fier à 100 à l'heure, conscient que le temps nous tue. La vérité en face de nous, la poisse nous dévisage. Je m'étonnerai pas de quitter la route dans le prochain virage. Les yeux figés sur le compteur. Un an passe comme une heure, un jour comme une semaine. Je suis déréglé dans ce mirage. Je bloque, assis sur ce banc. Big up à tous les mecs du 45 qui nous écoutent. Dieu est grand dans les bacs. Tac, j'écoute les battements de mon cœur. Le temps c'est de l'argent et j'entends tic, tac, tic, tac. Dis assez, même en Suisse t'écoutes. Big up à tous les gens de Suisse. Un grec, chacun pote, j'attends un Yankee. Fou dans ma poche, sors mon phone, j'appelle un Yankee. Chacun pote, regarde ma montre, j'attends mon Yankee. Regarde dans le ciel, crache sur le sol, toujours pas de Yankee. Ça fume, ça boit et ça parle en verlan. Assis sur ce humble, le temps passe vite, ça commence à faire long. Ouais, je me sens comme un mégot consumé. Et ce qui rentre dans ma poche, c'est comme ce qui sort de ma bouche. Ça part en fumée. Postiché sur ce putain de banc, il est 16h du mat. Ça fait 5h qu'en haut de la tour, ce putain de keuf nous mate. Je vois les petites sœurs du tchèque rentrer de la fac. Comme un putain de barbe, elles ont poussé. Mais fuck, ça sert à rien leur bac. Fuck le monde, rien à foutre, léthargie dans le corps. Il n'est jamais trop tard, ma bitch fait partie du décor. Avant on était plein, je suis seul qui n'ai pas changé. Toujours la même, à part les tampons sur les plaquettes sangées. La terre tourne sans moi, pendant ce temps je roupis. Attaché à faller sur ce putain de banc, je croupis. J'ai pensé tuer le temps, en y squattant vite un été. Plus 24 heures, plus 24 piges, comme une éternité. Je bloque, assis sur ce banc, la vie m'amine. Big, clac, j'entends tic, tac. J'écoute les battements de mon cœur. Le temps c'est de l'argent et j'entends tic, tac. Tic, tac, tic, tac. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Continuez d'envoyer des messages, ça fait plaisir la famille. Dieu est grand dans les bacs, allez le chercher, iTunes ou sur la Fnac. Par un coup les gens se plaignent, par amour les gens se saignent, par anneau les gens deviennent fous, fous. Perdu entre vice et vertu, l'être humain se conduit mal. Jalousie, médisance, les conditions sont optimales. Trahison et mensonge ont fait le bilan au final. De leurs propres intentions, les gens deviennent sales. Levé matin très tôt, une condition de prolétaire. L'hiver prépare l'été se prépare pour l'hiver. Submergé par les dettes et tacle les impôts prolifèrent. Au sueur de leur front, les gens deviennent fiers. Fiers de leurs origines, de leur caisse, de leur train. M'affiche dans leur style, dans leur vie, dans leur train. Dépendant du fric comme un torse pour sa seringue. Esclaves de leur vice, les gens deviennent dingues. Évolution logique ressort le côté animal. Les gens se bouffent entre eux, l'acteur animal. Viennent les hostilités, les mauvaises paroles ouvrent le bal. Suffit de sortir une arme, les gens deviennent pâles. Facilement plongés dans des situations graves. On tombe plus vite qu'on monte, la plupart le savent. Amers sont les échecs, la victoire a un goût suave. À force de se relever, les gens deviennent braves. Les gens deviennent fous, deviennent dingues, deviennent ouf. Les gens deviennent parano, insatiables, sados. Les gens deviennent par amour, les gens se plaignent. Par amour, les gens se saignent. Par amour, les gens deviennent fous. Les gens deviennent par amour, les gens se plaignent. Par amour, les gens se saignent. Par amour, big up aux gens de La Rochelle. Pour s'exprimer parfois, on n'a pas les mots. Ne plus communiquer, on devient parano. On ne fait pas ce qu'on pense, on agit par défaut. À trop vouloir être vrai, les gens deviennent faux. Société du paraître, des clichés à la peine. Bonjour, où m'as-tu vu? Discrétion manque à la peine. Mathusalem en boîte, se battre pour des bagatelles. 3 grammes d'alcool dans le sang, les femmes deviennent belles. Ce monde part en couille, on est pris de court. La guerre, les pédophiles qui font les sorties de cours. Les conflits, la famine, le tiers monde crie au secours. Personne ne veut s'entendre, les gens deviennent sourds. Pour faire valoir ses idées, obligés de monter le ton. Au lieu de monter le son, on préfère faire couler le sang. Attise les propagandes, les dégâts sont conséquents. Mais les face à eux-mêmes, les gens deviennent cons. Les gens deviennent villes, les gens deviennent feux. Les gens deviennent si, les gens deviennent dieux. Les gens viennent en vie, les gens deviennent vieux. Les gens font le pire, les gens deviennent dieux. Les gens deviennent fous. Deviennent dingues, deviennent ouf. Les gens deviennent parano, insatiables, sados. Les gens deviennent par amour, les gens se plaignent. Par amour, les gens se saignent. Par amour, les gens deviennent fous. Les gens deviennent par amour, les gens se plaignent. Par amour, les gens se saignent. Par amour, les gens deviennent fous. Les gens deviennent par amour, les gens se plaignent. Par amour, les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Les gens se plaignent. Par amour, les gens se plaignent. Les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Sardo. Les gens deviennent. Le son de Nocturne avec Sam sans contrôle. 100% rap français, l'album est dans les bacs. Dieu est grand dans les bacs. Planète Rap. 100% rap français. Merci pour les messages, continuez. 41759. Petite dédicace à Cassie à l'écoute. Big up à tous les Sénégalais de France et du Sénégal et d'ailleurs. Ah bah je suis un toubab, ici je ne suis qu'un négro. L'Afrique, là-bas, toute la diaspora africaine, Mali, Congo, si on vous pique pas vous la famille. Mes origines ressemblent, à chaque battement mon cœur le chante. Nama et Rémi, je sais que vous entendez de Nantes. Yama. Je marche sur les champs en claquette, rapi qui me traîne en teddy. À mes ancêtres tirailleurs, ma situation je dédie. Les marabouts ont prédit, va savoir, j'y donne du crédit. Ligue, ligue, danke, danke, khalis, legi, legi. Je reçois des news, tu bled, tu es grand, on avance. Prends des prix qu'au quartier, je fais une baraque en Casamance. Coupure d'électricité, feu de bougie, ambiance rétro. Ici, je paye mes factures EDF, mais le courant passe plus trop. J'idéalise un peu ma confrée, ma lamine. Mais rarement vu drive-by en carapide, armé de carabines. Entre foi et tradition, contradiction puissante. En faisant sa cuisine, j'entends maman qui chante. Là-bas je suis un toubab, ici je ne suis qu'un négro. Dieu est grand dans les bacs, la famille, continue d'envoyer des messages, ça là-bas, fait plaisir. Là-bas je suis un toubab, ici je ne suis qu'un négro. Blessé dans mon ego, mes origines se ressemblent. À chaque battement mon cœur le chante. Ablaï, 33 barjots. Ici je ne suis qu'un nègre. Un seul tissu nous sépare de la robe au bagne. Il faut pas s'y méprendre, on trouve de tout à Colobane. Mon royaume contre un cheval, mon snack contre un bon tchèp tchèp. Pour vivre, faut y être, y être. Je repense à Yoff, son yet, yet. Toujours en liesse, le jour, la nuit, les rues sont pleines. Un paradoxe, je retrouve espoir sur musique d'Omar Penn. J'écoute histoire des cleons, jusqu'à très tard le matin. J'y connais rien, j'en ai la teon à en perdre mon latin. Au mal du pays, mon esprit s'envole, il part en balade. Mariage comme deuil, ça se danse au fond d'une balade. Hommage au Wolof, Soninke, au CRR, au Diola. 10 millions de francs CFA pour une poignée de dollars. Les peuls, les ballantes, tout couleur, les mandingues. Mon barabas, ça rit les bouts, assez percus qui rendent dingue. Des liens d'attache à cette terre, aussi nombreux que les gomis. Fondant au champ du griot, remplace sirène de police. Un grand salam à Imad. Là-bas je suis un toubab, ici je ne suis qu'un négro. Là-bas je suis un toubab, ici je ne suis qu'un négro. Blessé dans mon ego, mes origines se ressemblent. À chaque battement mon cœur le chante. Gros big up à toi Angel, on est ensemble. Ici je ne suis qu'un négro. Dieu d'envoyer des messages, c'est Sam's qui prend la nocturne de Skyrock. Dieu est grand dans les bacs, allez chercher ça la famille. Tous mes gens qui fument leur chicha à l'amnésia, un grand big up Nordine, t'inquiète, on est ensemble. Là-bas je suis un tout bas, ici je ne suis qu'un nègre. Là-bas je suis un troubab, ici je ne suis qu'un négro. Là-bas je suis un troubab, ici je ne suis qu'un négro. Imad, tiens bon, c'est que t'es à l'hôpital. Un gros big up à toi Imad. On te supporte, yamma. Sénégal business, Sénégal business. La nocturne, Monsieur Sams. Toujours, toujours, toujours. Ah ça c'est bon ça hein. Ah ça c'est... C'est bon hein. Ça fait planer hein. Ah ça fait planer. Ça fait voyager. Un petit mot d'ailleurs sur tes origines Sams. Justement ce morceau s'appelle Teranga. On le retrouve sur l'album. Ouais. Donc c'est... Sénégal. Ben en fait je suis d'origine sénégalaise. Mmh. Et dans ce morceau t'as vu je voulais en même temps en fait je l'ai fait en mode carte postale pour montrer aussi le décalage en fait qu'on a entre justement ceux qui sont d'origine africaine et qui partent en Afrique et qui justement ont le cul entre deux chaises, tu vois. Toi et, t'es né en France. Moi je suis né en France. Ouais. Donc quand tu retournes au pays t'es français. Et ben même ils prennent pour un babtou, tu vois. Ouais, et ça, quand ouais. T'es ici, bah t'es, et bah t'es... t'es... Et pas un babtou. Exactement. Faut demander ça à Nani Moirano. Non, vaut mieux éviter qu'on laisse avec ouais. Alain Delon. Non mais le côté sénégalais justement, c'est quel rapport t'as justement avec tes racines? T'y vas souvent? T'as évidemment de la famille là-bas aussi, Sams? Bah oui, mais j'y vais souvent, même depuis que je suis petit. Mais le truc c'est que forcément, t'as vu le premier rapport que t'as, c'est par rapport avec tes parents, c'est par rapport à ta culture. Mmh. Quand tu rentres chez toi, c'est de culture du bled. Et mais vu que après, t'as vu, tu vas à l'école ici, on est occidentalisé. Du coup, quand on rentre là-bas, il y a toujours ce décalage où on se sent, tu vois, de là-bas. Mais il y a toujours ce décalage parce qu'ils vivent une réalité que nous on ne vit pas, parce qu'on les voit pendant les vacances et après on repart ici, tu vois. Tu te souviens toi la première fois justement où t'as mis les pieds au Sénégal? Ben ouais, la première fois que je suis allé, si tu veux, j'étais à la fois fasciné, mais en même temps, je savais que il y avait ce manque que t'as quand t'es en France, que tu retrouves là-bas, mais d'un côté, tu te sens en décalage parce qu'il y a plein de choses, plein t'avais de codes. Quel âge toi quand t'es arrivé quand je suis arrivé là-bas, Sénégal, ouais. Je suis allé, j'avais 11-12 ans. Mmh. Et donc, du coup, il y a plein de choses, plein de subtilités, de nuances que tu comprends pas. Et donc, du coup, t'es fasciné. Comme je dis, tu le vois en mode carte postale et tu dis, putain, c'est là d'où viennent mes parents, là d'où viennent mes racines. Mais t'as quand même ce décalage parce que tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas parce que, comme j'en dis dans le, quand je dis dans le morceau, quand je dis j'en ai la teon à en perdre mon latin. C'est-à-dire qu'en fait, t'as vu, tu vois, ça parle en wolof et tout, et t'as honte de parler parce que toi, tu ne maîtrises pas. Ouais, tu maîtrises pas, ouais. Maîtrise, donc, forcément, du coup, ouais. C'était quand la dernière fois d'ailleurs, Sam's, le Sénégal? Mais c'était l'an dernier, on est parti tourner le clip en fait là-bas. Et la prochaine fois? Le plus rapidement possible, hein, j'espère. Dès que je peux, je vais là-bas. Voilà, c'est un beau morceau en tout cas celui-ci. Teranga, il s'appelle, vous le retrouvez sur l'album de Sam's qui est dispo depuis une semaine. Ouais, qui est dispo partout. Tu veux même choper sur Deezer, iTunes. Tu peux le choper à la Fnac, chez tous les bons disquaires. La Nocturne avec Sam's qui continue. On repart sur un morceau avec Siku MC. Ouais, et Take Mike, c'est sur la version, Mike, ouais. Justement, la version collector de l'album qui est sur Deezer. Mmh. Et le morceau s'appelle FSN, c'est justement de la foison du geste comme on aime bien en faire. Et voilà, le morceau s'est fait sur un coup de tête, comme le dit Fico. Il y a de la chicha aussi dans le clip. Hein. Ah, il y a de la chicha, mais ça s'inquiète pas. Sam's au contrôle de la Nocturne. Gros big up à Six. Take a mic, Gretzky. Le rap game dans le viseur. Yeah. Yeah. Bon, moi qui on fait la misère. Sur écoute chez les stupes et sur Deezer. Mister, viens push au bloc, t'es bien visère. Big up du distress, DJ Mist. Sont pour les crapules, mes voyous, fuck les hipsters. Mes potos peuvent être dans des casse-têtes. Trop les gens cassent, les bras collés, blab au casse-tête. Yeah. V'là du rap, niggas, que de la frappe, niggas. Ils rappent tous pareil, passe à la trappe, niggas. Moi c'est Sam's, toi donne-moi la balle, Bordeaux PSG. Faut pas faire la passe à trappe, niggas. Agressif sur les tarots. Nous on rend les coups, on n'est pas des paros. Patate vision pâle, c'est calme, remballe, t'es calme, c'est calme, l'adversaire est KO. Takaro Bikao, de la dope en cargo, taco, tac, reste paro comme Pablo dans Narco. Fuck les porcs, niggas, j'suis muslim, niggas, si j'croque dans un Big Mac, yo, McDo de Guinness. Shoot les O9 mini, la gâchette fait guili guili, en équilibre, on les kill, on est en équipe, en mandant nos clips, non, du buzz pour les clics, non. Un micro, une face B, c'est mon seul équipement, gamin. 6h du mat, là-bas qu'à la porte, Flora gravement, voilà, buck. M'emmène pas à la juge, elle c'est pas ma pote. Des Yankees jusqu'à minuit, voilà, j'bloque. Dans The Zulu, sera son Kaira. Tu brilles mais tu vois rien, bijou Sankara. Pas d'idole, des modèles, Thomas Sankara. Marlo Stanfield ou Chiwa Madara. Danse comme un Zulu, vas-y danse comme un Zulu. Danse comme un Zulu, vas-y danse comme un Zulu. Soum sur ma gueule, nigga danse comme un Zulu. Flora Kramon, voilà pop, nigga danse comme un Zulu. Gros big up au ghetto, brut collabo. Danse comme un Zulu, vas-y danse. C'est votre refrain ça. Sinto Pac, Blacka. Je suis là où tu ne m'attends pas. C'est dans un style auquel tu ne t'attendais pas. Charbonne comme un boss de Bordeaux arrive. Toujours meilleur que ces trous de balle, y'a pas de débat. Authentique, ça qui que c'est qu'un ce putain de show business, on se soumet pas. Criminel avec une gueule d'or, je m'écras. Si tu m'aimes, Mister Warm, écliptique musique. Que le travailleur français sur le palier à côté de son HLR entassé une famille. Nader H et Max Salomé envoie. Pour moi et musique Taipan. Le Mister SP et que Black NASA. C'est facile de les fumer sur genre de BPM. J'ai fait 7 ans en Inde et je résous tous les dilemmes. Ils appellent les mêmes putes, abordent les mêmes thèmes. Je peux vous parler de la rue mais avec d'autres termes. Obligé de mettre la barre haute, maman veut changer de hall. Cousin, je vais atteindre mon but, t'auras beau changer de goal. Le rap c'est pas ton truc et ça c'est pas ta go. J'essaie de les écouter mais y'a un manque de groove. J'irai jusqu'au bout, on reste debout, meilleur que vous gros, même en acapella. Envoie. Des bâtons dans les roues, j'ai vu la boue, crains pas les coups, on prend ton pouce, j'ai plus de nerfs sur les tibias. Envoie. Hein, elle a pris de la bouteille, elle vide la tienne, prends ton oseille, t'es un grossiste, et ben elle c'est une diva. Wouh. Crois mon expérience, on fout l'ambiance, t'as pu être dans son monte en l'air avec ou sans ton visa. Le game change de visage, la machine est lancée, faut couper le bon fil. Pour mes gars dans la rue qui cherchent le bon filon, ils pensent que pour percer c'est juste un coup de fil. J't'ai analysé, tu pètes plus haut que ton fillon. En attendant que l'industrie change de config, on garde la tête haute et on reste confiant. J'ai le numéro des MC et des belles filles, mais j'suis là pour te la mettre, j'suis pas ton confident. C'est consistant, j'fais la guerre au label, ils veulent un pour parler. Regarde la concurrence, à qui tu peux me comparer. J'savais pas que j'allais tomber sur des comparés. À vos marques, bref. Parfait, j'suis du 9-4 comme Siku. Si tu touches à notre art, on liquide tout. Val 2, maîtrise lyrical, 2001 zou. J'lâche un freestyle sur un coup de tête et j'suis pas zizou. J'suis comme un lingot d'or qui traîne dehors, qui sort des égouts. Comme un diamant brut, sale fils de pute, c'est que le début. Faut qu'il pète un câble, arrache-toi les cheveux sur mon débit. T'as signé pour le salaire d'un fast-food, c'est débile. Faire ça, c'est délicat, c'est du délicat. Gros, tu délires, hein. Faut que t'ailles en parler aux médias. Et ça, dans l'immédiat, c'est un délire. T'es que Mike comme d'hab. Danse comme un Zulu, vas-y danse comme un Zulu. Envoie. Danse comme un Zulu, vas-y danse comme un Zulu. Soum

Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Tous les gens de Bordeaux qui supportent, gros big up. Rive droite, rive gauche, on est ensemble. À l'amnésia, mettez-vous bien. Choose life, choose life. Tu es grand dans les bacs, la famille. Choose life, choose life. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Big up à Luigi. J'ai plus la base. Oh non, j'ai plus le temps. Mettez-vous bien, c'est Mr. Sams au contrôle de la nocturne. Yama. I blind, Yama. Trop de fautes, mais j'étais qu'un homme. Je croyais connaître mon pote, mais c'était un autre. Je croyais pouvoir manger, je suis tombé sur un os. Tu croyais me la faire, t'es tombé sur un homme. Les gens se plaignent. Bubble fish. Les gens font du tort, les gens saignent. On parle des gens, les gens se prêtent à l'égence. Trop de méfiance, les coups durs de la vie me forgent, je m'enseigne. Plus grand cul, mec, j'ai pas le temps. Avoir des regrets, pour ça j'ai pas le temps. Pleurer sur mon sort, faire ça j'ai plus le temps. J'peux accuser les autres, mais bon j'ai plus le temps. Beaucoup de choses à faire, donc j'ai pris le temps. Trop d'argent à faire, donc j'ai pris le temps. Me mêler de vos affaires, pour ça j'ai plus le temps. J'aurais déjà pris le large, et ça depuis longtemps. J'ai décidé de fuir et de redécider. Bien le temps, déjà sacrifié. Cashback Mafia, big up. J'ai plus le temps. Trop de love, mais c'était qu'un leurre. Trahison et mensonge peuvent mener au meurtre. Les gens pleurent, plus de rancœur, j'avance, nos destins sont trompeurs. Besoin de prendre de l'âge, affronter mes grandes peurs. Conscient que je prends de l'âge, ma rage perd son ampleur. Tombé dans ton engrenage, dans le fou jeune âge, sache, ce n'est pas une attitude de l'âge, faut que je m'en sorte seul. Plus de rancune, mec, j'ai pas le temps. Trahir mes principes, mec, j'ai pas le temps. Parler dans votre dos, pour ça j'ai plus le temps. J'peux accuser les autres, mais bon, j'ai plus le temps. Beaucoup de choses à faire, donc j'ai pris le temps. Mr. Warm. Trop d'argent à faire, donc j'ai pris le temps. L'artilleur. Me mêler de vos affaires, pour ça j'ai plus le temps. Lord Ram. J'aurais déjà pris le large, ça depuis longtemps. Lord Afro. J'ai décidé de fuir et de redécider. Continuez à envoyer des messages, ça fait plaisir la famille. Gros big up à tous ceux qui soutiennent. Dieu est grand dans les bras. De se sablier. J'ai plus le temps. C'est la nocturne avec Sams au contrôle de la nocturne. Toujours. Et ce morceau, plus le temps. Exactement. On n'a plus le temps, frère. Et bah, c'est un petit peu le concept aussi de la nocturne, puisqu'il nous reste trois morceaux, Sams, à découvrir. On se plonge dans l'album. On se plonge à fond dans l'album. On va partir sur un morceau qui s'appelle FFF, c'est ça, hein? Exactement, qui parle de mon parcours dans le foot. Mmh. Et. C'est un morceau, j'ai eu beaucoup de retours dessus parce que je me suis rendu compte que y a énormément de personnes qui se ressentent dans ce morceau. Parce que comme je dis, pour une personne ou deux personnes qui réussissent dans le foot, il y en a un paquet qui réussissent. Toi, c'est quoi pas. Raconte un peu justement ton parcours là-dessus. On va écouter le morceau, mais raconte un petit peu. Moi, je joue à Ligue d'Aquitaine, après je joue au Stade Bordelais, après j'étais parti à l'étranger en Angleterre, après j'avais joué en Angleterre, après bon, ça s'est mal passé parce que voilà. Mais c'est quoi? C'est le mental? C'est la forme? C'est quoi? Non, c'est plein de choses. C'est la chance, c'est les blessures, c'est. C'est ça en fait. Voilà, c'est comme on dit, c'est des lignes de vie. Puis des fois, il y a des choses qui sont pas faites pour et c'est le truc de les accepter. Tu regrettes un peu ou non? J'ai aucun regret, au contraire. C'est que justement, parce que moi, comme je dis, j'étais à fond dans le foot et.

petit gosse sans bout. Tarot. Mais 99% échoués, nous Garant. On prie tout sans Dieu. Tout sans Dieu, tout sans oui. Dieu. Bon. Jazz. Jazz. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Continue à envoyer des messages, ça fait plaisir. La prison d'Orléans, Bordeaux, Gradignan, tous les frères à Gradu. Le sang j'étouffe entre les vautours et les civils qui patrouillent. Les factures à payer, les dettes, aussi le vent qui gargouille. Je serai jamais autant populaire qu'un président qui magouille. Je suis moins black avec une black card qu'avec une carte bagou. Je veux m'en remettre au tout puissant, je me dois suivre ses consignes. Mon vice obtient dérogation, c'est le diable qui co-signe. Gros big up, c'est haché à la prod. Dur de prendre de l'altitude, tout en acceptant son sort. Très peu de chance que l'on s'en sorte. La route, on n'en voit pas le bout. Mon navire danse le twerk, de par chinois et n'a pas. Le soleil paraît petit vu du néant. Certains pensent être dans la lumière, ce ne sont que des moucherons cramés sous le néon. Anti-hypocrite, on fait la fête, on se fait la bise, tape la tête. Carré VIP, on boite la mif, mais c'est faux en fait. C'est un contexte frais. Moi et mes gars, on est tous potes, mais à la moindre occasion, on se baisse, on est des sex friends. Yep. Dounia me charme et moi je me laisse faire. Yep. On se dit des hommes, c'est nous le sexe faible. Argent facile, côté match et T-Max. Le diable s'habille en Prada, mettra nos chicards avec une paire de Air Max. Squat le par tabac, traumatisme reste même si on se part là. Pense pas une peine de cœur avec du sparadrap. J'pense à Malik Antol, faut que j'prenne de ses nouvelles. Qui est le Melody, lui ou moi dans cet asile à ciel ouvert. H24 Chaoui, le tigre du Bengal. Des fois c'est des petits kiffs, l'espoir reste addictif. J'évite d'être fataliste, c'est le sommet que je vise. Je pense donc je suis, je souffre donc je vis. Dernier espoir de ma ville, il se demande pourquoi aucun titre je lui ai on dédié. On pense à toi frérot. Très dur de représenter un ancien porn écrier. Ouais, de grands immeubles, le soleil se cache mec. Ouais, mais on s'en branle, on cherche le cash mec. On prend la vie dans tous les sens, surtout du mauvais côté. On sème notre mauvaise graine partout des pépins que j'ai récolté. Tempérament survolté, l'élite veut nous révoquer. Pour ça qu'on est révolté, pour ça qu'on va pas voter. Marianne m'a toujours pris en grippe, je voulais juste bécoter. Tu m'accuses de viol alors que j'ai à peine ma tête décolletée. Des départs, les détruqués, on était tricards. T'oublies que tes pères ont tous partout, c'est Mama Africa. Déclare notre flamme et sans jéricane. On se tue entre nous, les anges pleurent et le chétan ricane. Venant de la capitale, c'est comme ça que les gens font. Toujours la même musique, le même refrain. Mais j'ai besoin d'en faire des chansons. J'ai besoin de le dire, j'ai besoin de fuir. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de sourire. J'ai besoin de rire, pas de gasoil dans le réservoir. Tant que c'est sec, je reste. Donc vu d'en bas, pour ce quoi de neuf, c'est la haisse mec. Yama, vu d'en bas. En espérant que la prochaine fois on va voir d'en haut. Planète rap, 100% rap français. Gros gros big up à DJ Fresh qui est à la prod. Je sais que tu m'entends. Gestos, Pepitos, Bastos. À toutes les meufs aussi. Cellulaire sonne sans cesse, qu'arrête te prend la tête. T'étais censé la voir ce soir, mais tu restes à la thèse. Et tous les fragiles. Sur une table à 500, y'a du bif à faire. Tu lis plus ses messages, t'as manqué 46 appels. Elle te dit négligent, t'en as rien à foutre. Tu dis que tu portes le pantalon, c'est toi qui tiens la poutre. Une relation à un sens, ses états d'âme, tes chagrins. Ta rue la nuit, tes histoires de fric, les problèmes de chacun. Merde, vois pas pourquoi elle casse les couilles. La voir une fois par semaine, en rentrant de boîte, pour toi c'est cool. Faire le canard, c'est pas ton truc, t'es pas du genre émotionnel. Du coup, elle voit la vie en rose comme un rouleau de Moltonnel. Du coup, c'est là qu'elle prend des ailes. Elle joue le rôle d'aboyeur, elle a qu'à aller voir ailleurs. Et c'est ce qu'elle fera d'ailleurs. Elle s'enjaillera avec un autre, ma gueule, pour impoluter. Il te restera que ta fierté, ta grande gueule pour l'insulter. Tu la traites de pute, mais tu l'aimes cette pute. Voudrais marier cette pute. Elle te manque. Big up à Alexia Imak. T'as des clichés, mais désormais tu la regrettes cette pute. Mama de la 10-11. Bourou bourou bourou. Plus ta pute. Tu la traites de pute. Tu l'aimes cette pute. Tu serais marié cette pute. Elle te manque cette pute. T'as des clichés, mais désormais tu la regrettes cette pute. T'as juste la haine, puisque maintenant cette pute n'est plus ta pute. Cette pute n'est plus ta pute. T'as juste la haine, puisque maintenant. Dites-vous bien, c'est simple, je contrôle de la nocturne. Au calme. T'as négligé, désormais tu la regrettes cette pute. Tu la regrettes. Safe, écoute ça bien. Cette pute n'est plus ta pute. Cette pute n'est plus ta pute. Cette pute n'est plus ta pute. Cette pute n'est plus ta pute. Big up à BNF, JJ, Doudex. T'as juste la haine. Ils sont là dans le building. Cette pute n'est plus ta pute. Il lui paye ses vacances. Il lui paye son loyer. Dès qu'elle appelle, il remue la queue. Il ne cesse d'aboyer. ça lui prend jusqu'au boyau. Tu casses son cœur et une broyée. Une pensée nage et en plein bonheur, son honneur est noyé. Waouh, 2000 euros dans un Chanel. Si elle a pas tant, il sera privé de plaisir charnel. Il a charbonné cette année, il s'est rempli les poches cette année. Il a mis à gauche cette année, va finir fauché cette année. Il a cru gagner du terrain pas à pas. Pense avoir trouvé l'âme sœur, mais en fait, elle est pas là-bas. Jean-Guy Vitry, Baléares, Dubaï, Miami, Bali, Malaga. Lui colle au cul derrière ses loutins, bien pire qu'un Malabar. Pour elle, il aurait tout fait, la lune pourrait lui trouver. Pensant combler son manque, en vérité, ne fait que l'étouffe. Elle est retournée avec son ex, celui qui l'a négligé tant. Il passera bien de l'amour fou à la grande haine avec le temps. Il la traite de pute, mais il aime cette pute. Il voudrait marier cette pute. Elle lui manque cette pute. Il l'a forcée, mais désormais il la regrette cette pute. Il a la haine parce que maintenant cette pute n'est plus sa pute. Il la traite de pute. Il aime cette pute. Il voudrait marier cette pute. Elle lui manque cette pute. Les fragiles se sont reconnus dans ce morceau. Il l'a forcée, mais désormais il la regrette cette pute. Il a la haine parce que maintenant cette pute n'est plus sa pute. Maintenant cette pute n'est plus sa pute. Continuez d'envoyer des messages. C'est Sams qui prend le contrôle de la nocturne Skyrock. Dieu est grand dans les bacs, la famille. Mettez-vous bien la famille. Yama, tu es grand. C'est ma mélodie que je t'invite à chanter. Elle accompagne plus qu'elle ne change le monde. Dans toute cette folie. Mettez-vous bien, Fefe, Yous, moi-même Sam. Dieu est grand dans les bacs. Yama. Et jusqu'au bout, je Yama. Jamais seul tant qu'elle me porte, non. Jamais seul, tu es grand. Non, jamais seul tant qu'elle me porte, ah, non, jamais. Jamais seul, mais 33, Sénégal. Jamais seul tant Sénégal. Qu'elle me porte. Yaman. Elle s'exprime dans mes pleurs, mes rires, c'était pas tant. Tu la ressens dans mon pouls, mon cœur et ses battements. M'éclaire même dans le flou, j'ai pas peur, je suis un battant. Ils pensent que je suis fou, les beaux parleurs, t'inquiète pas, man. Ça dans mon monde, parfois distant, je dois le reconnaître depuis. Je fais mes factures, j'ai la phobie des boîtes aux lettres. Et je me dois d'être honnête. Julie Rosa, est impartiale. Je ne rentre pas dans leur panel, je pompe plus comme ascenseur social. Déchaîne mes passions, la zik apaise mes tensions. Envie de croquer le monde et le bonheur ne serait-ce qu'une portion. J'ai tous les gens en province qui nous écoutent, un gros big up en direct de la galerie Foire Gravement. J'espère que vous êtes là, les frères. Ça reste légal, Yama. Un banlieusard originaire du Sénégal, Yama. Fais-nous rêver et voyager, c'est ce qu'ils m'ont dit en boucle. C'est le sample de ma vie, ça. C'est ma mélodie. Annan et Chocapic. Elle accompagne plus qu'elle ne change le monde. Cette folie. Dans toute cette folie. Ensemble. Elle est comme un sentier. Quand les routes pavées se confondent, yeah. Et jusqu'au bout j'irai, yeah. Jamais seul tant qu'elle me porte, non. C'est pour les vues de Casablanca. Non, jamais seul tant qu'elle me porte. Zidario, jamais. Milk, jamais seul tant qu'elle me porte. Newman, Sénégal business. Mandela avait un glaive, maman avait une larme. Martin avait un rêve, Malcolm avait une arme. Malik avait un père, Marianne avait un masque. Shakur avait une mère, et Youss avait un mic. Pourtant, je suis ni rebelle, ni trop marginal. Et je ne vais pas changer le monde, puisque j'en suis la bande originale. J'narque ceux qui salissent mon nom, je vais pas trop brailler. Personne ne plaire à tout le monde, à part Stromae. Pomaye, c'est mon label, c'est comme ça qu'on m'appelle. Pomaye, c'est toute ma peine, Kinshasa l'appelle. Et je te rappelle que même si on ne fait pas les mêmes choix, les mêmes peines nous unissent plus que les mêmes choix. Achète-en 10, la famille. Est-ce qu'on écoute de la musique ou bien est-ce qu'on écoute de la musique parce qu'on est triste? C'est ma vie d'artiste dans le centre de l'amnésia. Ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Nordine Gonzo, je t'invite à chanter. Elle accompagne plus qu'elle ne change le monde. Rime paroles, quartier, ça même. Quand les routes pavées se confondent. Bouma et musique, Bouma et musique. Toutes les prisons de Fresnes, Fleury, Villepinte, à Nanterre. Toutes les prisons de France, mettez-vous bien, évadez-vous. L'espace d'un son, je les frères. On pense à vous, tenez bon la famille. Non, jamais. C'est le 33. Malik Raus, on t'attend. La Nocturne avec Sams. Merci Sams d'être passé en tout cas. Ouais, merci, merci, merci à toi. Un plaisir. Et ce morceau, franchement, un pur kiff quoi. Ah, mais ça ma mélodie. Féfé, Sayan Soupacrou, t'as écouté forcément. Ben, j'ai été bercé par ça. Ben oui. C'est pour ça que c'était un honneur d'avoir été avec lui. Et franchement, un big up à tous ceux qui suivent, qui ont envoyé des messages. Ça fait super plaisir. Comme je disais, il y avait énormément de gens qui ont eu des retours positifs sur l'album. Il y a même tous les gens de VRF, etc., qui ont fait des papiers justement pour pousser les gens à écouter cet album. Et un gros big up aussi, parce que t'as vu, on n'a pas trop la chance des fois d'être exposé. Et bah franchement, vas-y, ça fait plaisir. Ouais. C'est pour ça. Et je veux aussi faire une dédicace aux gens de BNF. S'ils peuvent faire quelques dédicaces, t'as vu, ils sont venus avec moi, ils supportent la famille. Vas-y, bien sûr, avec grand plaisir. Les gens qui sont avec toi, on n'a pas eu le temps de passer leurs morceaux parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais je veux qu'ils fassent, tiens, qu'ils fassent un big up au micro de Sky quand même. Alors, c'est parti. Oh ouais, ok, là c'est DJ BNF, ça bouge pas en direct de Sky, supporte la famille, tu connais, Dieu est grand la famille, on supporte Sam, on est là derrière, ça bouge pas. On se dédicace à tous ceux qui suivent derrière, qui nous attendent, ça bouge pas, on est là. Voilà, ça bouge pas, bendo. Dans le bendo ma gueule, bendo. Vitrine F4, tu connais, ça bouge pas, bénéfice. Pas, moi, c'est ce que j'aime dans la nocturne, ce moment où tout le monde est posé. Tu vois, mais là, il y a la chicha, on est au calme, il y a tranquille. Tout ce qu'il faut. Bon, merci vraiment, Sams. En tout cas, allez suivre. Rappelle aussi pour te suivre aussi sur le sur pour les me suivre, sociaux, c'est simple. Il y a le Twitter Sams33Stanfield. Je répète, Sams33Stanfield. Et aussi sur Instagram, Sams Uchiwa. Et aussi sur Snapchat, Sams Uchiwa. Et il y a sur Facebook, il y a la page fan Sams. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages, on vous répond, on est présent. Et comme je dis, encore merci à tous ceux qui supportent l'album, qui essayent de faire découvrir l'album. Et on fait un gros big up à tous ceux de Bordeaux aussi qui supportent. Mmh. Ça fait vachement plaisir parce que tu vois, j'essaie de le représenter au maximum, de mettre la lumière sur la ville. Mmh. Et ils sont réceptifs. Donc big up à tout ceux de Bordeaux. Un gros big up à Arthur aussi qui va aller dormir. Des concerts, des shows. Ça, ouais. On peut trouver aussi. Là, il y a le 10 novembre, je serai avec Youssoupha en première partie. Le Zénith. Au Zénith. Exactement. Et aussi un peu partout, je serai sur les premières parties Youssoupha sur la tournée. Je sais que je serai à Lyon, je serai à Toulouse, je serai à Lille, je serai à Nancy, je serai à Caen. Donc, restez à l'écoute, on va venir gester, on va foutre le bordel là-bas. Merci Sams vraiment en tout cas d'être passé. On rappelle que c'est dans les bacs, Dieu est grand. On peut télécharger dès maintenant, sinon on peut aller chercher en support physique aussi. Ouais, à la Fnac et télécharger aussi sur iTunes, n'hésitez pas la famille. Il y a du contenu, il y a tout ce qu'il faut. Même sur Deezer, il y a la version collector. Donc continuez à supporter le bon rap et on est là pour vous représenter les frères. Merci Sams. Merci à toi Fred. Ciao, à très vite. Et à moi. Planète Rap, 100% rap français. Nocturne continue encore jusqu'à 2h du mat. Seth Gecko, il débarque dès lundi 20-21 dans Planète Rap. On l'écoute maintenant. Après le nouveau son de Rof aussi à découvrir. Saint-Ouen, le monde, mon copain, alors calme ta wash. On est plein comme les Chindawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Le rap a transformé les mecs de tête en bourgeoise. On fait espèce et on plonge dans des plages couleur turquoise. Qui paye ses ardoises, s'enrichit, fait du nettoyage. Y'a des traîtres ici, Versace, la méduse de pétrifie. Elle s'asphyxie, quoi, lorsque j'appuie sa tête. Elle a eu les yeux plus gros que la Schneck, comme Anissa Kate. On attend qu'une chose, qu'à Paris ça pète. Flic contre Kera, Kera qui tire aux roquettes.

parler pour parler, mon cerveau est égaré, tout deck c'est égaré. Parler pour parler, mon cerveau est égaré, c'est bec égaré. Parler pour parler, mon cerveau est égaré, PDF égaré. N'est-ce qu'il y a pas de meilleur chez nous, car les meilleurs c'est nous. Bénéf à fond dans la vego. Trois actions aïr, pas ma cou et go. Pourquoi tu me regardes chelou? Plus sauvage que c'est loup. Franchement je t'écoute mais c'est relou. J'reste le meilleur de mon dos jaloux. C'est un homme jazz, 31 jazz. On a connu tout, je fais mes jazz. On a connu très tôt la haine. Et ouais que je veux détrôner le best. On surnomme jazz, 31 jazz. On a connu tout, je fais mes jazz. On a connu très tôt la haine. Et ouais que je veux détrôner le best. J'ai pas de chépi, j'ai pas d'âme. J'te laisse roux qu'à un moment de répit sur la tête de mon âme. Rabat de casse, dédié, ça rataille. Quand j'pose, j'explose sur la putain tête du down. Down, du down. On t'allonge sur le carreau, comme Taro. On t'allonge sur le barreau, Jack Spang. Mais quand j'deviens barreau, comme Goro. Puis j'ai porté mes coraux, ah. J'assume tous mes faits et gestes. Avec moi VEPP. J'suis d'un peu coup de la cesse. Tout dans le secret, oui, demande à papé. Les condés tournent dans la tête. Est-ce nous qui veulent attraper? Maintenant c'est test contre test. La foudre est spé, nous demande à ZP. Stylo, feuille, club, feuille, weed. C'est parti, le cerveau, je crois qu'il est vide. Mon ami, stylo, feuille, club, feuille, weed. C'est parti, le cerveau, je crois qu'il est vide. Mon ami, donc parler pour parler, mon cerveau est carré, DJ est carré. Parler pour parler, mon cerveau est égaré, tout deck c'est égaré. Parler pour parler, mon cerveau est égaré, c'est pec égaré. Parler pour parler, mon cerveau est égaré, PNF est égaré. Check remix. JJ Doudex. Gros son. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Nouveau son de Rof. Ensemble, my nigga. Ensemble, my robber. On meurt ensemble, my nigga. On meurt ensemble, my robber. Monte pas les noirs contre les beurs, my nigga. My nigga. Monte pas les beurs contre les noirs, my robber. My robber. Mais que font la fruc? On va pas refaire l'histoire, my nigga. Faut qu'on fasse deux trucs. Qu'on s'arrache de ces gars, my robber. Renoir, t'as peur des robeux. On peut, t'as peur des renois. Moi je crains ni l'un ni l'autre. Vous faites pipi, caca, tous comme moi. Les cons ne pensent qu'à me diviser. Tous stigmatisés, sans tuba viseux. Tous fusillés dans les débats téléviseurs. Ensemble, on finit nos grands-pères sortis des tranchées, my nigga. Ensemble, on a évité à Marianne de se faire troncher, my robber. Ensemble, on a gagné la Coupe du Monde, my nigga. My robber. Qui sont les plus discriminés dans le monde, my nigga. My robber. Tous dans le même sac, nos communautés dans le même bateau. Nos darons dans la même usine, nos familles dans le même ghetto. Nos frérots dans les mêmes combines, nos destins dans le même étau. Notre avenir dans la même cellule, équipiers sur le même braco. Bouboudier là-bas, grand pied collé dans la même mosquée. Je veux voir au beurre, au noir, en guerre, faire la paix à les bosqueux. Ensemble, my nigga. Ensemble, my robber. On meurt ensemble, my nigga. On meurt ensemble, my robber. Les deux font l'Afrique. Faut qu'on fasse un max de fric. Retournons en Afrique. Faut qu'on fasse un max de fric. Ensemble, my nigga. Ensemble, my robber. On meurt ensemble, my nigga. On meurt ensemble, my robber. Les deux font l'Afrique. Faut qu'on fasse un max de fric. Retournons en Afrique. Faut qu'on fasse un max de fric. Premiers seront les mecs de cité. Mal accepté, défilé de Panamera, Merco, Fefe, Star Wars, Mathieu Dompé. Les bobos en sont frustrés. Panam est à nous, on peut racheter la boîte qui t'a refusé. Mettre le physio à genoux, vive les valeurs qui nous ont inculquées. Ils se moquent de nous, les seuls mecs qu'ils ont niqués dans la rue sont les pélos du poids de pouf. Sénégal, Mali, Comores, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. Tous mes maghrébins frérot, comme Hassan de Omar Bongo. Savane, tu viens du désert, moi de la savane. Tu bois comme un chameau, okay. Sous l'odeur de nos aisselles quand on se pavane. Ramza Negro, okay. À nous les beurrés. On vous prête les tis mes galouchets, yeah. Tu manges les fruits de Mamadou et Jamila en cachet, ah. Frérot arrête, ah.

depuis que Audemars m'a tué. Le superficiel est essentiel. Audemars m'a tué. Dans quel état je vais arriver au ciel? Je suis innocent, je le rappelle. Audemars m'a tué. Caris dans la nocturne 100% rap français. Il a dit, et redit. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. La crime. Gustavo Gaviria, maintenant dans la nocturne 100% rap français. À venir, le son de PNL aussi, SCH, nocturne. Envoyez les messages 41-759. Sur un nuage que t'as mis de côté, vos paroles, les bleus sont de ma way. La mélancolie, de la pure cachée dans mon colis. Fils de pute du Real de Madrid. Ton équipe gros c'est la Mongolie. Ta mère, ta soeur et Twitter. Pour des choses on n'a pas de buteur. Ico, on m'appelle Marico, je vais partir 20 litres de poudre en 48 heures. C'est vrai, j'ai pas du tout perdu. Je fais du chiffre et je les prends tous. Cette année j'ai dû faire le million. Je fume du shit et je regarde la grande ours. La plupart c'est des bras cassés. Le rap game a besoin d'une hôtel. Je me lève, j'ai la vue sur la mer. Baby, je dois accrocher à Philippe Blanc qui m'appelle. Petit déj, le joint, le café. Si j'ai pas dormi, c'est du jack. J'prends le jet ultra de 50. Sur la scène, j'fais mouiller des chattes. On se bute, on se reproduit. Elle a 20 ans, elle est déjà veuve. On vend toutes sortes de produits. Mon gros, même des plasmas aux aveugles. T'es une pute, t'auras jamais les bons. Une spéciale pour le chat ou le plomb. Y'a pas de solution, comme dit Pablo, c'est l'oseille ou le plomb. Ils vivent dans le paraître. Ils aiment faire les racailles. Après le week-end en boîte, la semaine, ils feront que manger de la paille. On n'a pas les mêmes buts, pas les mêmes buts, pas les mêmes feats. On n'a pas la même vie, pas la même vie, pas les mêmes vites. La France m'a mis une fiche. Attends, j'ai mis de l'argent. Madame, je ne suis pas riche, je suis juste un pauvre qui a de l'argent. Je suis né pour faire de l'oseille ou bien faire de l'horreur. Je leur laisse la liberté, c'est juste pour qu'ils commettent une erreur. M'en accepte que des narvalo. Ces bolos tombent tous dans le panneau. Avec ta bourse, tu peux seulement t'acheter un petit pédalo. Ils sont malades, des bolas. Je suis petite taille comme Nicolas. Je représente des fils de pute qui courent. Moi je suis le cours du dollar. Fungirola, Benama de la Bébé sur la côte jusqu'à Marbella. L'argent fait tourner les têtes. Encore 2-3 lions et je me barre de là. Pour Jean-Mi et Sani, ils payent une sale addition. Le rap c'est l'intérim. Dès que je ressors du star, c'est leur fin de mission. Tu ne pourras rien faire, ni même prier la Madone. T'as besoin de la parole, tu lèves le doigt, je la donne. La crime, Ripre 2. Hey, si tu veux la parole, tu lèves le doigt, je la donne. Big up si tu travailles ou si tu fais passer la tonne. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Putain agressif avec des idées claires et précises. Pour entrer dans la banque et attendre qu'un connard n'investisse. Cracher sur les costumes avec lesquels ils se déguisent. De la gloire posthume, le rap est devenu la marchandise. Ils se prennent pour des Kimbo, laisse-les exhiber leurs beaux bras. Wesh mon frère, ils collent mes façons qui sont dans le beau drap. Ils te font pas qu'écro dans le repas. On va pas les sucer, y'a des choses qu'on s'interdit de dire. Comme s'il te plaît bébé, me quitte pas sans porte cas. Faut que je rentre dans 2012 aussi vénère qu'un mec qui pourrait chlasser la jugulaire devant Bébé. Belle mère, c'est mon best-seller. Wesh, James, il décélère. Aussi mal froqué qu'un chla qui porte des jeans, les fesses à l'air. Dealer qui se fout dans tes bails, qui sentent le fennec. Ils diront, un tox, c'est un tox, une danse, c'est une danse. Faut qu'il paie, mec, mais play, mec. Je ne veux pas que tu te mettes à rire. Je rappe sur un terrain, arrête jusqu'à que ta putain de new school en prenne des raids. Les visages sont vides comme mes pourchons à la fin du stud. Voilà un aperçu de ce que sera mon scud. Frelo, baisse pas ton fut, ou ils te prendront à la file. Si t'as le son choqué de la flûte, je crois que je peux te rendre mon fil, j'ai le fasciste qu'à ton fil. Faire bouffer de la merde au fisc. Lève ton dos en l'air que ces pédés le prennent en fils. Et je m'introduis dans le bordel, toujours de manière vocale. Viens dans mon fleuve, un peu de cyanure dans ton eau minérale. Anesthésie sous locale, j'en ai bouffé les cocards. Si ça sort par le baflop, près là qui tu me combats. Là c'est combo, ceux qui jouent les bouffons, les sacs à merde. Cours à ta perte, oui c'est troublant à chaque appel. Depuis de sous-conc, vite et frites la substance. sont crassés comme nos poumons. Au micros là je fais ses compos. Ceux qui jouent les bouffons, les sacs à mer. Cours à ta perte, oui c'est troublant à chaque appel. Des bites sous ce qu'on calvite tes frites, la substance. On crassés comme nos poumons. Au micros la distance. Ya ya. Nickerson, vas-y, nique ça, ça ne ment. Ok, l'allemand. Je parle peu, envie de me dévoiler tout simplement. J'aime plus la fille, envie de la troquer avec celle d'un ange. Ce soir, je vais finir crucifié verticalement. Ou je vais encore rêver de la dernière berline allemande. Je mets d'air, santé pour le verre de Polyakov. Oublions le malaise qui nous mène proche de l'accord. La vie ne sera plus la même depuis que t'as rendu l'âme. Mon son, c'est la piqûre mortelle d'une tarantula. J'espère que c'est pas avec ton cul. Tu comptes m'exciter. Je fais l'argent sale et je me taille sur la côte mexicaine. Je cambriole pendant que les commères sommeillent. Je fais des cabrioles et je frôle la correctionnelle. Face à la rose, la haine, j'ai choisi les orties de l'amour. Sous votre cas, j'ai tracé droit et je suis sorti de la route. Avec la souffrance, c'est de nos peines qu'on parle. Le soir, je confonds mon lit avec une pierre tombale. Je chasse les compos, ceux qui jouent les bouffons, les sacs à mer. Cours à ta perte, oui, c'est troublant à chaque appel. Des bites sous ce qu'on. Vite tes frites, la substance, on crasse, c'est comme nos poumons. Au micros, la je chasse les compos. Ceux qui jouent les bouffons, les sacs à mer. Cours à ta perte, oui, c'est troublant à chaque appel. Des bites sous ce qu'on. Vite tes frites, la substance, on crasse, c'est comme nos poumons. Au micros, la je chasse les compos. Ceux qui jouent les bouffons, les sacs à mer. Cours à ta perte, oui, c'est troublant à chaque appel. Des bites sous ce qu'on. Vite tes frites, la substance, on crasse, c'est comme nos poumons. Au micros, la je chasse les compos. Joue les bouffons, les sacs à mer. Cours à ta perte, oui c'est troublant à chaque appel. Des bites sous ce qu'on vite tes frites, la substance. On crasse, c'est comme nos poumons. On micros la distance. Planète Rap 100% rap français. Je m'en bats les couilles. En fait c'est ça la vérité. Je reprends ma fouille. Dehors la haine vient mériter. Viens visiter. Chez nous pas de gros meubles, pas de grosse télé. On prend les cafards dans le mouchoir. Et moi j'ai trop le seum depuis que je suis né. Y'a que le diable qui me laisse des pourboires. Tiens la putain de ta mère. Tu veux savoir où je te pèse. Pour un putain de salaire. Je laisse pas une pièce pour tes fesses. Tu veux de la punch, suce ma bite. J'rappe ma vie, pas celle de ces bitches. Sans déconner, j'ai le cerveau vide. Les yeux vides, le compte vide, le cœur vide. J'en transmis avec du son. J'partirai seul en balade. Juste du terre et des feuilles. Et j'traîne seul sur Paname. Dans le bowling fou un plan. J'suis seul à ouais sa mère. Des fois j'rêve de la merde. Et j'traîne seul sur Paname. J'suis qu'un œuf dans ma vie. J'veux pas leur compagnie. J'veux pas de cette vie banale. Sur Paname. Eh mon oncle, tu te rappelles. A bébé, 7 sur 7. Tout l'hiver sur Paname. Je les vois pas, je coule et je m'adapte. Je cours après ma porte. Je casse en tournant des hommes, je fais une OD. Que du bon char depuis que je suis en âge de monter. On les met au frais, on raccroche. Le bruit du giro nous rappelle que le chétan nous attend. Prochain level, 300 tractions, smoke inter et j'ai des ailes. Wesh le dada, on tombe cet été, pas on s'adapte. C'est une dada, ça paye pas, pas c'est reptata. Dis-moi t'étais où quand je faisais la guerre. J'pète une axe, mon place fait le tour de la terre. La haine qui nous catapulte. J'pète Navajo, pas ta pute. J'fais péter à Casper. Quand ça pue, ben je casse ma puce. Le poche tombe, fais la soirée. Cette tasse me fait la soirée. On sait qu'ils nous aiment pas, ils savent qu'on les pêche. Je contre le PNF sur le bout de Gilopez. Ces bâtards sont bien lents dans notre vie. Chacun son PNF, chacun son revêt. Les mains froides contre tous ces billets. PNL plutôt crié. Ils ont chaud, canon scié.

planète rap. La nocturne. Je n'ai pas le talent de Pavarotti. J'ai garé à côté du 504. Une dernière série de la Mannschaft. Monster. Je pleure pas même aux funérailles. Même en écoutant du rail. De toute façon, si on fait du mal, dans l'au-delà, on le paiera. Je veux pas de ton numéro, je veux pas d'une bimbo, je veux pas d'une Kimka. Je n'ai pas l'arrogance d'un mec comme Ibra, je suis juste Rimka. Je me suis fait quelques ennemis, ils veulent me fumer, c'est possible. Pour protéger la famille, j'ai planqué une arme à feu dans la cuisine. Les billets, je me mets à les compter, je suis seul, même en concert complet. Quand on aime, on ne compte pas, moi c'est comme ça que je gère mon blé. J'aime pas les grandes discussions qui sont faites pour meubler. J'ai grandi à Vitry ou dans un appartement surpeuplé. Ici la putain de cité, la vraie de vraie. On arrive en cortège de Clio 2. Pour canaliser mes nerfs, pour me calmer, faudrait que je fume un kilo 2. Ils parlent de nos vies sans nous connaître, ils regardent même pas le film entier. À 3 ans, on m'a foutu sur un Biwi pour m'apprendre à piloter. Je pose mon front sur le sol, frérot, je suis solo. La vie ne fait pas de cadeaux, frérot, je suis solo. On m'a planté dans le dos, maintenant je suis solo. J'ai perdu trop de frérot, je suis solo. Je pose mon front sur le sol, frérot, je suis solo. La vie ne fait pas de cadeaux, frérot, je suis solo. On m'a planté dans le dos, maintenant je suis solo. J'ai perdu trop de frérot, je suis solo. Je suis qu'une victime de la routine. Je marche dans la ville. Je suis à deux doigts d'exploser. Comme une grenade sans goupille. Gère ma vie comme un dirigeant de club. Je me paye Richomi ou Yungte. Pour alléger l'épreuve, je fais des bisous à mon blur. Faudrait que ma vie se stabilise. La mort s'approche, culpabilise. J'ai rien à personne, je me sens libre. J'ai pas besoin que tu pousses 20 lits. Je t'aime pas, tu m'aimes pas. Reste loin de moi, y'a que Sahara. Je savoure au bled un grand verre de lait et des dattes qui viennent du Sahara. Sur mon premier CD, j'ai mis toute ma ville, toute ma cité sur la cover. J'ai des pulsions qui remontent, tu vas faire une balade dans le coffre du Range Rover. Tu peux voir ma sale gueule dans le journal de 20h, mais jamais dans Closer. Quand ton père et fils, on bosse en famille, on te nique ta Moser. Je pose mon front sur le sol, frérot, je suis solo. La vie ne fait pas de cadeaux, frérot, je suis solo. On m'a planté dans le dos, maintenant je suis solo. J'ai perdu trop de frérot, je suis solo. Je pose mon front sur le sol, frérot, je suis solo. La vie ne fait pas de cadeaux, frérot, je suis solo. On m'a planté dans le dos, maintenant je suis solo. J'ai perdu trop de frérot, je suis solo. Comme tout le monde, j'ai le droit au pardon. Seul, je porte mon fardeau. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait de l'argent. Je suis la star de personne, je ne suis qu'un banlieusard. On verra qui sera là pour moi, à Salat El Geneza. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Je rappe, ça a l'air facile, imbécile. Qui a-t-il assis là? Voici des vrais capture des syllabes de Killers. C'est qui là? Black Dracula, le 1 tel Attila. Que des minus comme Caligula. Quelle aisance, X-Men une légende. Paye allégeance, on te laisse en bras sans jambes. Comme la Vénus de Milo, on va de Venise à Bali. De Venice Beach à Paris, de NY, Yaoundé, des négroïdes. So Aquilin, les femelles. Je me pose même pas la question, j'impose même pas la pression. Faisons le tour du monde, trou en un dans le club comme Jack Nicklaus ou Tiger. Ma vérité est ailleurs. Quand j'atterris, touchdown comme Randy Moss. On a nos propres circuits original, nique les clones dans des crop circles. L'ennemi est falche comme la puce de Montel. Là c'est le best, la lady en SMS m'envoie des SOS. On parle de choses qui restent un mystère pour les chercheurs. Arrête ton charge, t'envoie la décharge. J'pars au bon charge, la mort a son charme. J'aime jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le chargeur. On parle de choses qui restent un mystère pour les chercheurs. Arrête ton charge, t'envoie la décharge. J'pars au bon charge, la mort a son charme. J'aime jouer à la roulette russe

hier. Subir un traumatisme et te remettre à moitié entre médicaments et cam. Autrement dit, la trame est dramatique. Mais pour faire la fête, pas besoin de mettre en fête. Ami, en fait, t'es fait, frère. Mais maintenant, fait, ta vie, je mets la nitro. Je vais une femme ni trop bête ni trop belle. Je fume de l'hydro. Bonnie, je bois de l'hydro. Mais on embarque tout l'équipage où le bateau ne part pas. Si tu parles de ce qui parle, fais pas croire que tu parles pas. J'ai vomi dans la benzo de mon homie Kezo. Nouveau hoodie Kenzo, yeah. C'est comme ça que Kenzone. J'me téléporte dans la Batcave. J'aime pas les ports mais pas que. Bla bla bla bla bla ta gueule. J'ai claqué les portes comme un backeux. Ceux qui n'aiment pas le petit grec seront en run. J'm'en tape tant que mes tigrés seront en run. Mes ennemis sont en bad, vu qu'ils sont en bas de l'échelle. Et j'me fais lécher par les modèles d'Obada. Rien ne sert de nier, y'a pas meilleur que New York. Connecté aux piliers de LA jusqu'à que New York. Voyage en avion, on a pris un billet. On a fait le show et on a pris un billet. Ah, ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand j'suis premier que j'reste à ma place. Et y'a que quand j'suis premier que j'reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand j'suis premier que j'reste à ma place. Et y'a que quand j'suis premier. Fabuleux, fini pour la nocturne. Ah ouais, j'entends ça. Ah oui, attends. Il est grand temps de finir, là, 2h02, tranquille. On a eu Sam's, merci à Sam's en tout cas, merci à Nekfeu qu'on écoutait à l'instant. Le feu tour est partout près de chez vous. Fabuleux, tu es prêt? Amédie est dans le coin aussi? Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Fred. Mehdi? Ouais. On va aller rôder ou pas? Ouais, moi j'ai rencontré Zlatan cette semaine. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Alors? Franchement, mec, chambé. Un mec, je le dis pour les supporters marseillais, putain, même à l'OM, moi je suis pour l'OM. J'aurais trop aimé avoir ce joueur ici à l'OM. C'était le témoignage de Mehdi, Mehdi qui nous appelait de Paris et qui témoignait sur Zlatan. Avec Fabulous, qui avec le maillot du PSG quand même, que vous pouvez pas voir. Et PSG qui a gagné 1-0 quand même ce soir face à nos amis rennais. On salue Momo qui était à Rennes, qui a mangé une saucisse tranquille. Et on le salue parce qu'il est sur la route, Momo. Il m'a dit ouais, je vous écoute sur la route. Donc grosse dédicace à Momo, pas de problème. Est-ce qu'il fait la fête de la bière, Momo? Non. Parce qu'en fait, il y a un truc en Bretagne, c'est les jeudis du port. Alors là, on est samedi, mais les jeudis du port, c'est un truc qui est chambé, quoi. Non, faut dire, pour les Bretons, c'est génial. Non, à Rennes, il y a la rue de la Soif aussi qui est super et qu'on salue d'ailleurs. Pas qu'à Rennes, parce que la rue de la Soif, elle est à Rennes et dans plein d'endroits. Mais il y a un truc qui est chambé en Bretagne, enfin, qui est chambé, faut vraiment se la mettre. Hein. T'es obligé de niquer un litre de bière, mais sur 15 litres en fait. Et je rappelle que si, comme le dit Mehdi, vous niquez un litre de bière, surtout pas de voiture, rien, tranquille. Ah oui. Avec le son de Skyrock, merci Mehdi. Parce que nous on est là, tranquillon. Et ben nous on est pépère, on va se poser tranquille. Fabuleux, tu mixes hein? Parce que là il faut y aller. Ouais. Bonne nuit à vous tous, lundi 20h-21h, 7 Gecko débarque dans Planète Rap entre 20h et 21h. Putain, des punchlines à tout va quoi. De la punchline à gogo. Et là c'est parti, 2h03, 2h04. Allez, chut. On file? Oh putain. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop. On finira sur cette phrase. Oh putain.